dénombre plus les reportages, images à l'appui d'enfants, d'adolescents hypnotisés par un écran d'ordinateur, de tablette, de téléphone et que sais-je encore pour dénoncer les multiples dangers de la lumière bleue sur les yeux, sur la rétine, sur le soleil, même sur la peau. Mais dans tout cet alarmisme, que faut-il croire? Comment sont testés les effets de ce qu'on appelle la lumière visible de haute énergie sur les modèles animaux, sur les modèles in vitro, voire sur les êtres humains? Comment est-il possible d'attester les effets de cette lumière sur l'endormissement? Sommes-nous vraiment exposés à des doses si importantes qu'elles présentent des risques physiologiques et somatiques? Lumière bleue, attention les yeux, c'est l'obscur programme que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour y voir plus clair, nos deux invités du jour sont Serge Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand avec Sébastien Point, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique, ingénieur en optique, auteur de Lampes toxiques, des croyances à la réalité scientifique. C'est publié chez Book e-book. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Science et Pseudosciences et membre de la SFRT, la Société Française de Radioprotection. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture en 93.5, notamment en région parisienne, également en réécoute via franceculture.fr, en podcast sur votre application préférée, sur votre téléphone, mais ne le regardez pas trop, écoutez-le plutôt, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, et comme chaque jour, en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors la crainte que les écrans nous esquintent la vue, le cerveau, ou les deux d'ailleurs, cette crainte ne date pas d'hier, dès l'apparition et la généralisation de la télévision dans les foyers. Écoutez cette archive, nous sommes le 9 décembre 1985. Les ophtalmologistes français ont passé leur week-end à essayer de répondre à cette question. Travailler sur écran est-il dangereux pour la santé et spécialement pour les yeux? Le savoir est d'autant plus important qu'actuellement, un employé sur 9 travaille sur écran et que dans 5 ans, il y en aura 1 sur 4. À chaque fois qu'une technique nouvelle entre dans les mœurs, il est vrai que l'on se pose toujours la question de son influence, non pas seulement sur le travail, mais sur la santé de ceux qui l'utilisent. Les uns rendent le travail sur écran responsable de tous les maux. Ils provoqueraient notamment, selon eux, à la longue, des troubles de la vue, souvent importants. Voilà, extrait d'Interactualité donc en 1985. Est-ce que les écrans sont responsables de tous les maux, Serge Picot, comme on vient de l'entendre dans cette archive? Bonjour. Bah déjà, la lumière peut être toxique, puisqu'on sait que, en fait, la lumière est un facteur de risque pour des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc on sait que la lumière peut avoir un rôle dans certaines pathologies. Mais on a entendu là dans cette archive que, et puis de tout temps, je parlais de la généralisation des postes de télévision dans les foyers, ça a été la même chose pour le travail sur ordinateur, aujourd'hui c'est avec la multiplication des écrans. Est-ce que les périls, en tout cas que l'on redoutait à l'apparition de ces écrans dans les années 80 et ceux d'aujourd'hui, sont les mêmes? Est-ce qu'ils ont juste été mieux identifiés? Est-ce qu'on en a écarté certains? Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuves avérées de la toxicité des écrans. Il faut savoir quand même que quand vous allez à midi acheter un sandwich ou autre, vous risquez plus d'être exposé à la lumière et à la lumière toxique du soleil que finalement à la lumière de votre écran qui est bien moindre que celle du soleil. Sébastien Point, votre conviction à ce propos? Je rejoins un peu Serge Picot sur le fait qu'aujourd'hui, on est exposé à effectivement des écrans une longue partie de la journée, mais ce sont des écrans qui ont une luminance, en termes moins scientifiques, c'est l'éclat de l'écran, qui sont de l'ordre de quelques centaines de candela par mètre carré. C'est extrêmement faible comparé à des luminances qu'on peut trouver dans les sources d'éclairage naturel comme le soleil ou la lumière du jour. Donc effectivement, il n'y a aujourd'hui non seulement pas de preuves, mais en plus peu de risques de toxicité aiguë des écrans. Néanmoins, peut-être une question, puisque là on écoutait une archive de 1985. Je sais que par exemple moi j'ai été élevé avec cette rengaine de dire ne regarde pas trop la télé, ça va t'abîmer les yeux. C'est une légende urbaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces écrans, les anciens écrans, non pas ceux à LED d'aujourd'hui, mais je perds le mot d'un seul coup. Les anciens écrans à tube cathodique, voilà, c'est ça que je cherchais. Et les écrans à LED aujourd'hui, ça n'abîme pas concrètement la vue, on ne perd pas en acuité visuelle si on reste trop longtemps devant un écran, Serge Picot? C'est difficile à vraiment démontrer ou à infirmer le fait qu'un écran soit toxique, puisqu'il faudrait vraiment passer de très longues journées devant, en permanence, et pouvoir contrôler par rapport à une personne qui ne passerait pas du tout. Et encore, ça serait difficile, puisqu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer et à quantifier. Après, on sait que effectivement il y a certaines lumières, certaines LED, qui peuvent être toxiques, mais encore faut-il regarder la composante même de la lumière, parce que toute la lumière n'est pas toxique. Certaines longueurs d'onde, certaines parties de la lumière sont beaucoup plus toxiques que d'autres. Par exemple, on parle de la lumière bleue, parfois comme source de toxicité, alors que la lumière rouge va l'être pratiquement pas ou pas du tout. Donc il y a vraiment, il faut bien regarder de quelle lumière parle-t-on et à quelle intensité aussi. Sébastien, un point sur l'évolution des écrans. Les écrans d'aujourd'hui seraient donc plus toxiques parce que plus émetteurs de lumière bleue que n'étaient les anciens écrans à tube cathodique? Encore une fois, la problématique des écrans se pose essentiellement en termes de fatigue visuelle, à mon sens, parce que quand vous travaillez sur écran, vous pouvez poser votre regard sur votre clavier, puis sur votre plan de travail, puis à nouveau sur votre écran. Ça oblige votre œil à faire des changements d'accommodation successives. Et puis on sait que quand on regarde un écran, on a tendance parfois à moins cligner les yeux, ce qui assèche l'œil. L'ensemble de ces effets font que effectivement le travail sur écran peut entraîner des gènes ou des troubles visuels, mais on n'est pas dans le domaine de la phototoxicité. La phototoxicité, aujourd'hui, les niveaux tels qu'ils sont acceptés et décrits dans les normes d'exposition sont extrêmement élevés par rapport à ce que produisent des écrans. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les écrans d'il y a 20 ans émettaient également de la lumière bleue, peut-être en proportion un peu moindre, mais que la plus grande proportion de lumière bleue aujourd'hui des écrans à LED n'entraîne pas de risques extrêmement importants du point de vue de la phototoxicité. Alors comment expliquer, pour conclure cette petite introduction, comment expliquer qu'effectivement après une longue journée passée devant un écran d'ordinateur ou une très longue session de télévision qui se prolonge tard, on ait ce sentiment de fatigue visuelle, cette impression de tête un peu lourde, de légère migraine, ça n'a rien à voir en fait avec un effet strictement optique ou ophtalmique, Serge Picot? Non, je pense que, comme le disait notre collègue, je pense que c'est aussi plus la concentration qu'on va avoir sur l'objet même que l'on regarde, avec une distance finalement assez courte par rapport à si on va se promener dans la rue où notre regard se pose sur des éléments proches puis lointains et où il y a moins cette notion de fixation du regard pendant une durée très longue. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, dans la méthode scientifique, nous parlons de la lumière bleue, de ses effets sur notre santé, sur la vision, mais aussi sur notre sommeil. On va évoquer ces questions-là tout au long de cette heure en compagnie de Serge Picot, qui est avec nous ici à Paris, et de Sébastien Point, qui est avec nous en duplex depuis Clermont-Ferrand. Alors, peut-être une question simple, la lumière bleue, on en parle beaucoup, on a vu beaucoup de reportages, je le disais dans l'introduction, qui sont parfois un peu, il faut bien l'avouer, alarmistes. C'est quoi la lumière bleue, Serge Picot? Alors, il faut parler de la lumière bleue. En fait, c'est une composante de notre lumière. On a tous vu un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est la décomposition de la lumière sous ses différentes longueurs d'onde. Et quand on regarde un arc-en-ciel, on voit qu'on a du rouge, du vert, et puis après, en fait, on a du bleu, voire du bleu violet, ou plutôt du bleu turquoise. Et en fait, c'est plutôt le bleu violet qui aurait tendance à être un peu toxique, voire très toxique. Et puis, par contre, le bleu turquoise qui peut avoir des effets très bénéfiques quand on parle, par exemple, de la régulation des rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'en termes de longueur d'onde, il y a une longueur d'onde particulière qui est plus nocive pour nos yeux, et on va voir surtout à quel endroit de nos yeux on parle et où on se situe exactement, Sébastien Point. Alors, les travaux qui ont été menés ces 30 ou 40 dernières années ont permis d'établir ce qu'on appelle un spectre d'action, c'est-à-dire une courbe qui décrit l'efficacité avec laquelle certaines longueurs d'onde peuvent entraîner des dommages photochimiques au niveau de notre rétine. Et il se trouve qu'effectivement, cette courbe, ce spectre d'action est maximal autour de 440 nanomètres de longueur d'onde, 450, qui est du bleu un peu profond, on appelle ça le bleu profond, effectivement qui est présent dans certaines sources de lumière artificielle, comme les LED, mais qui, bien entendu, existe aussi dans la lumière naturelle. On est, il faut bien comprendre, on est tout au bout du spectre de la lumière visible. On n'est pas très loin d'un autre type de lumière qui est une lumière invisible, qui est aussi, elle, dommageable, ce sont les ultraviolets. Serge Picot, on parle de lumière visible de haute énergie hein, pour ces lumières qui sont potentiellement toxiques. Oui, parce que finalement, l'énergie, en fait, va varier en fonction de ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière. Et en fait, plus on est proche des UV, et plus en fait l'énergie est importante, c'est-à-dire le bleu que j'appelais un peu bleu-violet, ou que Bernard appelait... Sébastien Point, excusez-moi, appelait bleu profond. En fait, on est dans ces énergies les plus élevées. Et puis, quand on descend vers le bleu turquoise, le vert, puis le jaune et le rouge, on descend progressivement en énergie. Alors, peut-être une question de béotien, comme il m'arrive d'en poser ou d'en avoir à l'esprit souvent. Finalement, de la lumière bleue, on en perçoit, là aujourd'hui, par exemple, à Paris, un grand ciel bleu. On en reçoit quand même tout le temps plein les yeux. Cette lumière bleue-là, elle n'est pas toxique. Il y a vraiment une différence, une sorte d'effet de seuil à partir d'une certaine longueur d'onde où ça commence à avoir des effets sur les cellules de la rétine. Oui, on sait très bien que en fait il y a un seuil de toxicité à ne pas dépasser, et c'est bien pour ça qu'il y a des normes pour éviter justement que les sources lumineuses dépassent un certain niveau. Et donc ce qu'on voit, c'est que tous nos écrans, jusqu'à présent, respectent ces normes et, par conséquent, ne devraient pas être toxiques pour la rétine. Qu'est-ce qui se passe concrètement, justement, au niveau de notre rétine, au niveau des cellules de notre œil, quand on perçoit trop de ce qu'on appelle cette lumière visible de haute énergie, Sébastien Point ? Alors, lorsque la lumière atteint l'œil, il faut savoir que l'œil est transparent de manière différente en fonction des longueurs d'onde. Les longueurs d'onde ultraviolettes, par exemple, sont bloquées sur la face antérieure de l'œil. Par contre, la lumière visible, y compris la lumière bleue, atteint la rétine. Et la rétine, c'est un matériel biologique qui est fortement irrigué, donc fortement oxygéné. La lumière, et notamment la lumière bleue, atteignant cette rétine va en quelque sorte être absorbée par ce qu'on appelle des chromophores, et on recherche encore actuellement l'identité exacte des chromophores qui absorbent la lumière bleue. Et ces chromophores vont transférer leur énergie en quelque sorte à l'oxygène présent dans la rétine et créer des espèces d'oxygène actif qui sont de différentes sortes. Et cet oxygène actif est très efficace pour, disons, oxyder les membranes des cellules rétiniennes, y compris les cellules qui nous permettent la formation des images. Mais c'est un mécanisme qui est naturel, qui a lieu en permanence, et qui est, y compris en présence de lumière naturelle, et qui est contrebalancé par des mécanismes également permanents de protection, qui sont basés sur des antioxydants, notamment la vitamine C, mais également des mécanismes de réparation, puisque la partie sensible des photorécepteurs est en permanence renouvelée au niveau de ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire rétinien. Peut-être un complément d'information, Serge Picot, sur ces réactions, finalement, qui sont des réactions tout à fait communes, qui peuvent à un moment donné, dans certains cas, dans certaines pathologies, prendre de plus en plus d'ampleur. Oui, alors en fait, on retrouve un peu tous ces mécanismes d'oxydoréduction un peu dans tous les tissus, que soit la peau ou la rétine. Mais finalement, la rétine est quand même exposée, puisqu'on a une fenêtre sur la rétine qui permet aux rayons lumineux d'arriver jusqu'à la rétine. Il faut savoir quand même que le système est quand même bien réalisé, puisque au niveau maculaire, par exemple, on va avoir des pigments qu'on appelle les pigments maculaires et qu'on accumule à partir de végétaux comme le brocoli ou les épinards, qui vont venir s'accumuler ici pour faire un filtre de lumière bleue. Donc finalement, on a intrinsèquement déjà des mécanismes de protection qui vont filtrer cette lumière et qui vont éventuellement aussi limiter ces espèces oxydées. Alors l'inquiétude autour de la lumière bleue, puis on reparlera peut-être aussi de cet emballement médiatique autour des dangers de la lumière bleue, parce que c'est vrai qu'il y a un discours très très anxiogène autour de ces effets potentiellement phototoxiques. Cette inquiétude, elle vient du fait notamment, Sébastien Point, que depuis l'invention de la LED, de la diode électroluminescente bleue en 1992, il y en a aujourd'hui de plus en plus concrètement autour de nous. C'est-à-dire que il y en avait assez peu, maintenant il y en a quand même beaucoup et de plus en plus. Effectivement, et la plupart des LED blanches aujourd'hui fonctionnent sur un principe associant une lumière bleue avec un phosphore qui va être excité par cette lumière bleue et émettre du jaune. Et c'est la combinaison par le cerveau de la sensation lumière bleue et jaune qui va donner la sensation lumière blanche. Donc la lumière bleue des LED est une composante nécessaire pour obtenir la lumière blanche. Et aujourd'hui, ce type de LED se retrouve partout, alors peut-être exagérément partout. On peut discuter de l'intérêt d'avoir des LED dans certains jouets, dans des chaussures ou je ne sais quoi d'autre. Ceci étant dit, l'omniprésence de la lumière bleue des LED n'implique pas un dépassement des limites de toxicité telles qu'elles ont été définies et acceptées par la communauté. Aujourd'hui, les limites sont fixées. Les valeurs limites d'exposition. Les valeurs limites d'exposition sont fixées et on sait qu'on peut les dépasser, mais en cas d'exposition à courte distance, à de très fortes intensités de lumière bleue, ou en cas d'exposition très prolongée. Mais je voudrais revenir sur une chose. Aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de la lumière bleue. Les problèmes de sécurité photobiologique ne sont pas nés avec l'avènement de la LED. Vous aviez dans le passé des ampoules halogènes, et on n'en parlait pas, qui, en fonction de leur éclat et en fonction de la distance auquel on est exposé, pouvaient poser des problèmes de sécurité photobiologique pour la rétine, parce qu'il y a malgré tout une composante bleue et violette, mais aussi pour les parties antérieures de l'œil, notamment la cornée, puisque les halogènes produisaient, et produisent encore, pour celles qu'ont encore les gens chez eux, du proche ultraviolet, qui est une lumière que ne produisent pas les LED. Serge Picot. Oui, ce qu'il faut peut-être aussi dire, pourquoi en fait il y a autant d'inquiétudes autour des LED, c'est qu'en fait, comme le disait Sébastien, en fait il y a la composante bleue qui permet de faire les autres lumières. Et finalement, il y a beaucoup de cette composante bleue qui passe, ce qui fait que dans beaucoup de LED, finalement, il y a une composante bleue beaucoup plus intense que dans les autres sources lumineuses. Puisqu'en fait, autant dans le spectre solaire que dans les lampes incandescentes ou dans les halogènes, il y a finalement très peu de bleu. Et là, en fait, finalement, on inverse un peu. Et en plus, le pic du bleu des LED est vraiment dans la gamme de toxicité vers 430-440 nanomètres. Donc en fait, on a ce pic-là. Et le fait qu'il y ait cette présence de ce bleu qui est censé être toxique inquiète. Mais dans la mesure où l'intensité reste tout à fait raisonnable, on ne peut pas anticiper une toxicité partielle. Donc c'est là où il faut vraiment bien contrôler en fait l'intensité, l'irradiance de ces sources lumineuses. Le début de l'inquiétude date est assez récent. Le point de départ en fait un peu de ce mouvement d'inquiétude générale autour de la phototoxicité de ces lumières bleues dites visibles de haute énergie, elle date de 2012 et d'une étude de l'ANSES intitulée « Effets sanitaires des systèmes d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes » et qui, rapport, notait relevait un risque photochimique associé à la lumière bleue. Aujourd'hui, les études, donc, on l'a compris, sont suffisantes pour dire qu'il n'y a pas de risque oculaire. On va reparler ensuite, évidemment, des rythmes circadiens et de ce que ça peut influencer, de la façon dont ça peut influencer nos rythmes circadiens. Mais il n'y a pas de... Ces risques photochimiques sont extrêmement mesurés, ils sont contenus. On ne perd pas de vision en s'exposant massivement à des écrans. Sébastien Point. Non, aujourd'hui... Alors, je voudrais juste rebondir sur une chose qu'a dit Serge Picot. Effectivement, les LED ont pour certaines une composante bleue importante, mais tout dépend de ce qu'on appelle la température de couleur. Il existe des LED ce qu'on appelle une température de couleur chaude, c'est-à-dire qu'elles apparaissent jaune-orangées, un peu comme nous apparaissent les lampes à incandescence. Et ces LED-là ont peu de bleu. Et on peut montrer d'ailleurs que ces LED-là ont moins de bleu que les lampes halogènes. Mais effectivement, il y a eu un mouvement ces dernières années qui est associé à certaines études qui a remis en cause un peu les valeurs limites d'exposition actuelles, expliquant que ces valeurs limites n'étaient pas suffisantes compte tenu de l'omniprésence de la LED et compte tenu de certains résultats d'exposition de rats pour lesquels on a observé une dégradation de la rétine à des niveaux extrêmement faibles d'éclairement LED. Mais sur ce point, il faut dire que le modèle de rats peut être questionné, puisqu'il y a une anatomie oculaire différente. Et c'est ce qui fait la différence entre... les dommages créés chez les rats et ceux qui pourraient être créés chez l'homme. Sébastien Point, vous me dressez un pont d'or, puisque c'est précisément ce que nous sommes allés voir, comme chaque jour dans la méthode scientifique, nous sommes allés voir comment ça se passe dans les laboratoires, un laboratoire qui travaille donc sur des modèles murins. Bonjour Tommy Mnetsok. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu au centre de recherche des cordeliers qui travaille précisément sur les effets délétères de cette lumière bleue sur les yeux des rats. Oui, j'y ai rencontré la directrice de recherche Alicia Torriglia. Après avoir soumis les petites bêtes à des doses de lumière bleue qui simulent des expositions cycliques ou prolongées, elle a constaté des micro-lésions sur leur rétine et la destruction irréversible de certaines de leurs cellules. C'est justement ce type d'observation qui pose la question des dangers de la lumière bleue, émise principalement par les LED, sur la vision de l'homme. Concernant la lumière bleue, comment est-ce qu'on mesure ses effets sur l'œil humain et est-ce qu'on peut le mesurer de manière fidèle ? Alors sur l'œil humain, c'est difficile. Déjà parce que pour mesurer les effets d'une lumière, il faut avoir une exposition qu'on puisse mesurer. Et cette exposition qu'on puisse mesurer, il faut qu'elle dure un certain temps, etc. Donc on ne dispose pas vraiment de volontaires humains pour faire ça. Puis, si vous voulez, nous, on est concernés par des seuils de phototoxicité, c'est-à-dire à partir de quand il y a une lésion au niveau de l'œil. Donc ça, c'est des genres d'expériences qu'on peut difficilement faire chez l'homme. Et en fonction de quoi est-ce que vous mesurez la phototoxicité, du coup, à quoi est-ce que vous vous référez pour justement constater des lésions éventuelles ? Mon équipe, on travaille particulièrement sur le rat, essentiellement. On les met sous la lumière qu'on veut investiguer, que ce soit LED ou peu importe. Et après, on les laisse là, en général, libres. Et en fonction du comportement de l'animal, après, on peut calculer les doses d'exposition qu'ils ont reçues. Et notamment, ce qu'on fait après, c'est que la plupart du temps, enfin, la façon la plus fine de le faire, c'est de sacrifier l'animal et après prendre l'œil et faire des études, soit biochimiques, soit de morphologie, soit de investigation de différentes cellules, comment elles se comportent au niveau de la rétine, etc. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé nos rats, qu'on l'expose à une certaine quantité de lumière. Donc par exemple ici, dans cette figure que je vous montre, ici, cette colonne, c'est le groupe témoin, et cette colonne, ce sont des coupes de rétine du groupe exposé. Et donc, on a regardé le statut, par exemple, ici, de l'oxydation de différentes molécules. Ici, c'est les acides nucléiques, ici, les protéines, ici, c'est la réaction rétinienne. Et ce qu'on voit, c'est que toujours, les rats exposés sont plus marqués que les autres. Ce qui veut dire qu'on a un stress oxydant généralisé dans la rétine de ces rats-là. Ici, on voit les noyaux des photorécepteurs. Ici, c'est les noyaux normaux, donc du groupe témoin. Et ici, ce sont les noyaux du groupe traité. On voit des signes de mort cellulaire. Ici, c'est une autre partie de photorécepteurs, ce qu'on appelle les segments internes, où il y a les mitochondries. Ce sont les usines à énergie de la cellule. Ils sont localisés à un endroit déterminé chez le photorécepteur. Et ici, on voit que ces mitochondries sont complètement explosées. Donc, on étudie les différentes parties pour pouvoir voir si on a de la phototoxicité ou pas. Phototoxicité, ça veut dire mort cellulaire causée par la lumière. Parce que moi, j'avais lu que l'Europe ou les normes européennes demandent de constater des lésions seulement en observant en fait, un blanchiment des rétines chez le rat albinos. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que ça, c'était anciennement, on faisait comme ça. Parce que avant l'apparition des LED pour l'éclairement domestique, on s'éclairait essentiellement, on s'est éclairé pendant une centaine d'années avec des ampoules incandescentes. Et ces ampoules incandescentes, on sait bien que le plus l'intensité lumineuse elle est forte, le plus la chaleur elle est forte. Donc on supposait que si on avait plus d'intensité lumineuse, on avait plus de chaleur et donc c'était une lésion thermique. La lésion thermique est un blanchiment de la rétine. Par contre, quand on a des problèmes de lumière bleue, ce qui compte, c'est la lésion phototoxique qu'on appelle. Donc ce qui se passe, et c'est ça un peu ce qui se passe dans les mécanismes de phototoxicité en général, c'est que la lumière va exciter des molécules. Ces molécules vont rendre cette énergie et provoquer des radicaux libres. On appelle ça un effet photodynamique. Et donc, ces radicaux libres vont à leur tour oxyder d'autres molécules. Est-ce que la durée de ces protocoles permet de comprendre ou d'anticiper une exposition de la rétine de l'homme sur plusieurs années ? Pour être concret, si on prend un rat et on l'expose pendant un mois et qu'on étudie l'épithélium pigmentaire et on voit qu'il y a des signes de vieillissement, on voit par exemple qu'il y a des pertes de cellules, que les cellules s'élargissent, etc., etc., on peut dire que la cellule est en train de vieillir. Et si on compare ce rat-là à un autre qui est resté dans sa cage d'animalerie habituelle avec la lumière 12-12, lumière de l'animalerie habituelle, et on voit que celui de rat exposé a plus de signes de vieillissement que de l'autre, on peut dire que ce traitement produit le vieillissement de l'œil. Et ça va le produire à l'homme ou à n'importe qui. La cinétique va peut-être pas être la même. Ça va pas être peut-être un mois, ça va être peut-être des années ou je ne sais pas. Mais le phénomène biologique sera là quand même. Est-ce que vous avez mesuré la différence de phototoxicité et de ses effets en fonction de prédispositions et de maladies de l'œil qu'avaient déjà des animaux ? Oui. Alors, on a fait des études en ce sens-là, assez préliminaires pour le moment. D'accord, on l'a fait avec des animaux qui ont des maladies génétiques de l'œil. Enfin, ce sont des modèles qui simulent des maladies génétiques qui existent chez l'humain. Donc, des animaux qu'on a fait pour étudier ces maladies. Bon, effectivement, on a eu une plus forte photosensibilité. Mais de toute façon, chez l'homme, on sait que la lumière est nocive pour certaines maladies génétiques. Par exemple, il y a beaucoup de rétinitis pigmentosa, c'est une maladie génétique dégénérative de la rétine. Et on sait que la lumière, et en particulier la lumière bleue, a un effet néfaste. Et depuis des années, il y a des gens, peut-être que vous avez vu dans la rue, qui portent des lunettes jaunes ou oranges, sont probablement des gens qui ont ce genre de pathologie et qui se protègent, avant même l'existence des LED, de la lumière bleue en utilisant ces lunettes-là, parce qu'ils sont particulièrement sensibles. Voilà l'étude de cet effet phototoxique sur le modèle murin, sur des yeux de rat. On l'entendait tout à l'heure, peut-être une réaction l'un et l'autre, Serge Picot, à ce que vous venez d'entendre ? Ben, je pense que c'est intéressant parce que ça montre d'abord que lorsqu'on expose une rétine dans un organe entier, vivant, on peut induire une mort des photorécepteurs. Nous, on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin en prenant des photorécepteurs isolés, plus proches de l'homme, puisqu'on les a isolés, en fait, d'yeux de porc qui viennent de l'abattoir. Donc, en plus, c'est très éthique, dans la mesure où c'est des yeux qui viennent d'animaux qui sont sacrifiés pour d'autres raisons. D'autres raisons, voilà. Alimentaires, vraisemblablement. Alimentaires. Oui. Et l'idée, ça a été d'isoler les photorécepteurs qui nous permettent de voir la couleur, et de les exposer à la lumière. Donc, on peut effectivement constater la toxicité de certaines longueurs d'onde et donc d'essayer de chercher justement quelles sont les longueurs d'onde les plus toxiques pour ces photorécepteurs afin d'arriver à définir quelles sont les longueurs d'onde qu'il faudrait enlever éventuellement de la lumière et des lumières très intenses pour protéger en fait les personnes et les patients. Sébastien Point, une réaction à ce reportage? Oui, alors plusieurs réactions. Dans un premier temps, il faut savoir que les premiers essais concluants qui ont démontré un effet phototoxique de la lumière chez les primates ont eu lieu dans les années 70, 76. À cette époque, en 76. À cette époque, ce sont des singes qui ont été exposés à de la lumière laser dans des domaines de longueur d'onde de haute énergie, autour de 440-480 nanomètres de longueur d'onde. Et ce qui a été observé à l'époque, et c'est la première fois que on l'observait chez les primates, c'était des réactions photochimiques et non thermiques. On l'a compris à ce moment-là, et l'ensemble des normes, y compris les recommandations pour le diagnostic, ont été faites à partir de l'observation du blanchiment de la rétine et d'une baisse d'acuité, parce que à l'époque les singes étaient entraînés et on savait leur faire des tests d'acuité visuelle. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque vient du fait que effectivement les rats sont sensibles à la lumière bleu, mais également à la lumière, disons, plus généralement blanche. Et il a été établi également dans ces années-là que le seuil d'exposition énergétique, c'est-à-dire en quelque sorte la densité d'énergie dangereuse pour le rat, est plusieurs ordres de grandeur en dessous de la densité d'énergie dangereuse pour l'homme. Ça veut dire que quand on fait des essais sur des rats avec une luminance, pardon, avec un éclat de lumière donné, on ne peut pas directement transposer à l'homme et dire que cet éclairement sera dangereux pour l'homme, parce que le rat est bien plus sensible. Et c'est ça, je vous interromps juste une seconde pour avoir l'avis de Serge Picot à ce propos-là. Et c'est peut-être là que dont vient une sorte de malentendu qui s'est diffusé dans la société et dans les médias généralistes. C'est-à-dire qu'effectivement, le modèle murin, il est intéressant pour de la recherche fondamentale sur ce que vous décriviez comme étant les longueurs d'onde toxiques, mais il n'est strictement pas, comme vient de l'expliquer Sébastien Point, applicable ou corrélable à la vision humaine. Oui, il faut faire une transposition quand même lente de l'expérimentation animale du rongeur pour passer par ailleurs nocturne, une transposition à l'homme. Il y a quand même un écart important. Et puis après, il faut savoir qu'il y a tellement de LED que l'éventail des LED, on va pas pouvoir tous les tester sur les animaux. Et les LED qui ont été utilisés dans cette étude ne sont pas du tout les mêmes LED que vous avez dans votre écran d'ordinateur. Donc il faut faire attention, quand on parle de LED, il y a LED et LED. Il y en a des milliers, voire plus de LED. Donc attention, lorsqu'on parle de la toxicité des LED dans cette étude, ce ne sont pas les LED que vous avez dans votre luminaire à la maison ou sur votre écran d'ordinateur. Attention, donc il ne faut pas faire une transposition immédiate entre une étude comme celle-là, qui est importante parce qu'elle nous permet de comprendre et d'étudier les mécanismes de dégénérescence des photorécepteurs, avec en fait le LED qui est dans votre quotidien, que ce soit l'écran, le luminaire ou autre. pardon. À 16h35 sur France Culture, Django Reinhardt, Blue Light Blues, et vous ne savez pas quel choix musical vous avez raté malgré l'insistance de mon réalisateur. Croyez-moi, c'est une bonne chose d'écouter un peu de Django Reinhardt dans la méthode scientifique lorsque nous parlons de la lumière bleue tout au long de cette heure. Nous en avons largement évoqué la nature exacte des dangers de phototoxicité qui sont peut-être un peu surévalués et un peu alarmistes dans un certain traitement de la presse généraliste. Nous sommes là pour rétablir collectivement une sorte de vérité scientifique autour de ce que l'on sait, de ce que la science aujourd'hui atteste de la réalité de cette phototoxicité, mais pas uniquement, puisqu'on va parler dans quelques minutes de l'influence de cette lumière bleue également sur les rythmes circadiens. Nous en parlons avec Serge Picot, qui est avec nous ici à Paris, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand, avec Sébastien Point, qui est docteur en physique, ingénieur en optique et auteur de Lampe toxique, des croyances à la réalité scientifique chez Book e-book. Mais tout de suite, à 16h37, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, avant de reprendre cette conversation, nous allons lui ajouter une voix et un point de vue, celui de notre doctorante de la semaine, c'est Giulia Spampinato, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en thèse à l'Institut de la Vision chez Serge Picot, vous travaillez sur la décomposition des circuits de la rétine par l'holographie digitale et l'optogénétique. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Alors bonjour et merci pour l'opportunité de parler de mon travail de thèse ici aujourd'hui. Vous avez parlé justement des effets toxiques jusqu'à maintenant de la lumière bleue dans l'œil humain et notamment sur la rétine. Mais dans mon travail de thèse, en fait, moi j'utilisais les effets positifs de la lumière bleue. Et c'est notamment... très bien d'en parler aussi. Et notamment, j'utilise la lumière bleue. Aujourd'hui, c'est possible d'utiliser la lumière bleue pour activer des neurones qui ne sont pas de nature sensibles à la lumière. Alors, en fait, nous avons découvert des protéines qu'on peut exprimer dans les neurones pour les rendre photosensibles. Ça veut dire que les mêmes neurones, une fois qu'ils ont exprimé cette protéine, sont activables par la lumière bleue. Alors, ces protéines, elles ont évidemment révolutionné les neurosciences. Et comment nous, comme moi, dans mon travail de thèse, j'utilise ces protéines. Alors, la rétine est un réseau de neurones constitué par plusieurs couches cellulaires. Alors, effectivement, la rétine effectue des opérations complexes à partir de la lumière qui est détectée par la couche plus extérieure des cellules. Après, il y a des cellules spécifiques qui détectent la lumière, des autres cellules spécifiques qui font des opérations complexes. Et après, la rétine, elle envoie le résultat de ces opérations au cerveau. Du coup, dans la rétine, il y a donc plein de cellules, chaque cellule avec un rôle spécifique dans un rôle plus, disons, global de la rétine elle-même, de traduire l'information visuelle qu'elle reçoit dans un langage compréhensible pour le cerveau. Alors, ce qui n'est pas connu, c'est qu'est-ce que c'est le rôle spécifique de chaque cellule. Alors, nous, on utilise les protéines desquelles je vous ai parlé tout à l'heure et on arrive à les exprimer dans des cellules spécifiques. Donc, on rend des cellules spécifiques photosensibles alors qu'à la base, elles ne le sont pas. Donc, en plus que ça, on utilise une technique optique, notamment l'holographie digitale, qui nous permet de sculpter la lumière bleue et de l'envoyer spécifiquement sur une cellule en particulier. Donc, en combinant la protéine qui rend la cellule photosensible et la technique optique qui nous permet de la réactiver spécifiquement, on est capable d'activer cette cellule. Et en montant d'enregistrer l'impact de l'activation de ce neurone en particulier sur le reste du circuit rétinien. Donc on utilise cet ensemble des outils, cet outil qu'on a développé, en combinaison avec les protéines, pour prendre une cellule spécifique et se demander quel est son rôle, comment elle influence le reste de la rétine. Grâce à cette combinaison d'outils optiques, de génétique et d'électrophysiologie, nous pouvons du coup décomposer le circuit rétinien cellule par cellule. Après, quand il y aura un malfonctionnement du circuit rétinien, on sera juste donc capable de comprendre quel est le composant qui malfonctionne et du coup de aller le réparer ensuite. Merci beaucoup Giulia Spampinato pour la présentation de ces travaux sur l'optogénétique. On y avait consacré une heure, c'est évidemment une grande avancée technique dans les neurosciences. On va vous mettre le lien vers l'émission que nous y avons consacrée il y a un peu plus d'un an et demi. Peut-être une réaction à Serge Picot sur les travaux intéressants et passionnants que sont ceux de votre étudiante. L'idée, c'est vraiment d'arriver à décortiquer le circuit neuronal, le circuit rétinien en ses différents composants, un peu comme un circuit électronique. Vous voudriez savoir quel est le rôle d'une résistance sens, quel est le rôle d'une capacité. Là, on fait un petit peu la même chose avec Julia, d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce que chaque cellule dans ce circuit, pas électronique, mais finalement presque, va faire, et en particulier savoir comment, par exemple, il se fait que dans la rétine, il y a des neurones qui sont déjà sensibles au mouvement. Vous vous rendez compte ? Déjà dans la rétine, il y a des cellules qui sont capables de détecter des mouvements dans un sens, mais qui ne vont pas répondre dans le sens opposé. Donc comme une diode. Oui, oui, même comme un détecteur de mouvement que vous auriez chez vous. Comme une diode de mouvement, quoi. Voilà. Donc c'est assez fantastique. C'est un peu la surprise et l'enthousiasme de ces jeunes qui nous permet d'essayer de comprendre en fait comment un circuit aussi complexe arrive à fonctionner. Julia Spampinato, vous restez avec nous, hein, vous êtes la bienvenue pour participer à la dernière partie de cette émission et au débat que nous allons continuer à avoir, puisque maintenant qu'on a bien compris que les taux de lumière bleue, dite de lumière à haute énergie, de lumière visible de haute énergie auxquelles nous sommes soumis au quotidien ne sont pas aujourd'hui dans l'état actuel phototoxique, hein, qu'il faut vraiment augmenter bien au-delà de ces seuils que nous recevons chaque jour pour que ça commence à avoir un effet phototoxique. Néanmoins, peut-être qu'il est bon de préciser maintenant qu'il y a tout de même peut-être des gens qui sont un peu plus vulnérables. C'est-à-dire que il y a des gens, soit des gens qui ont des pathologies, soit les enfants qui ont des seuils qui sont plus bas que le seuil d'un adulte bien portant en bonne santé, Serge Picot. Oui, alors déjà, je veux quand même préciser que le seuil quotidien peut quand même être toxique pour tout le monde. À savoir, par exemple, les jours de grand soleil, lorsqu'on va à la plage, par exemple, oui, et qu'on regarde le reflet du soleil dans l'eau, eh bien, ceci peut être toxique, en particulier pour les jeunes enfants qui sont bien moins protégés que les adultes, dans la mesure où leur œil n'est pas encore mature. Donc ça, c'est déjà une partie. On sait aussi que, par exemple, les éclipses peuvent aussi induire des lésions de la rétine très très fortes lorsque les personnes essayent de regarder directement l'éclipse. Jusqu'à à peu près 14 ans, l'œil continue à maturer pour filtrer en fait les rayons. Donc il faut bien faire attention. Après, effectivement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à risque. Et en particulier, lors du vieillissement, il y a des composés qui s'accumulent au fond de l'œil et qui vont eux-mêmes être sensibles à la lumière et lorsqu'on les active, vont contribuer à créer des lésions dans l'œil et dans la rétine. Et c'est un peu ce qui peut causer justement la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA, il faut savoir que quand même dans notre pays, il y a plus d'un million de patients qui sont touchés par cette maladie et qu'une personne sur quatre, au-delà de 75 ans, sera touchée. Donc ça touche tout le monde, il faut vraiment faire attention, il faut se protéger de la lumière bleue. Et parce que ça commence dès le plus jeune âge, cette espèce de vieillissement de la rétine. Après, il y a aussi des maladies héréditaires qui peuvent sensibiliser un peu plus les patients à la toxicité de la lumière. On va vous remettre là aussi, on avait consacré une heure entière, notamment avec Francine Béard-Cohen, qui était venue nous parler de la DMLA autour de cette table. Un mot, Sébastien Point, sur effectivement des personnes plus à risque, ou alors il ne faut pas non plus, donc, comme on l'a bien compris, verser dans la paranoïa et couper tous les écrans, mais se dire qu'il y a des personnes qu'il faut protéger un peu plus de la lumière bleue que la moyenne. Oui, alors je rejoins Serge Picot sur l'importance de l'âge et notamment les extrêmes, à savoir l'extrême jeunesse et puis la vieillesse. Pour ce qui est des enfants et notamment des jeunes enfants, il est vrai que leur cristallin est beaucoup plus transparent que l'œil des enfants plus âgés, adolescents ou adultes. Ce qui implique que de la lumière bleue, mais également violette, encore plus énergétique, peut atteindre la rétine. Est-ce que ça rend les LED plus dangereuses ? Je serais tenté de dire non, puisque les LED n'émettent pas dans le violet, contrairement à des sources halogènes, par exemple, et contrairement à la lumière du soleil. Ajoutez à ça que l'anatomie de l'œil de l'enfant fait qu'il est, c'est un système qui collecte a priori plus de lumière que l'œil adulte, parce que la taille de pupille est un petit peu plus grande, parce que la longueur focale de l'œil, c'est-à-dire la profondeur de l'œil en quelque sorte, est un petit peu plus faible. Cela fait qu'effectivement, les enfants sont plus sensibles à la lumière. Elle peut être plus dangereuse, mais pas spécifiquement la lumière LED, la lumière en général. Et il est vrai qu'à mon sens, il faut mieux se préoccuper de mettre des lunettes de soleil à son enfant lorsqu'on le sort en pleine journée, en plein mois d'août, que de se préoccuper des effets hypothétiquement délétères de l'écran de télévision. Et puis de l'autre côté, les lunettes de soleil, ça vaut aussi pour les adultes, hein, parce que on prend des flashs de lumière très très fort quand la lumière est en plein été et le soleil est à son zénith. Et le développement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est tout au cours de la vie. C'est-à-dire que la lumière bleue est un facteur de risque pour la DMLA, mais c'est l'accumulation au cours de toute une vie qui fait qu'on devient malade quand on a 60, 70 ans. Peut-être un mot sur l'autre partie présumée nocive de cette lumière bleue, c'est celle qui interfère avec nos rythmes circadiens. Alors décidément, je me répète un peu, mais c'est vrai qu'on avait consacré une émission entière au rythme circadien, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter @laméthodefc. Néanmoins, aujourd'hui, que nous disent Sébastien Point ces études? Il y a quelques études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, cette lumière bleue, eh ben, elle nous pousse à produire de la mélatonine, c'est-à-dire à maintenir notre corps en activité, en éveil. Oui, alors effectivement, il existe au niveau... On a parlé des photorécepteurs qui sont situés au niveau de la rétine et qui permettent la formation des images au niveau des aires cérébrales occipitales, c'est-à-dire à l'arrière du cerveau. Mais il existe aussi des cellules rétiniennes dites non visuelles, qui ne participent pas à la formation des images, mais qui enregistrent la lumière, et en particulier la lumière bleu, plutôt autour de 480 nanomètres de longueur d'onde, donc on est un petit peu plus bas en énergie. Et ces cellules projettent directement au niveau de ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus qui va commander, ce noyau suprachiasmatique, la sécrétion de mélatonine par ce qu'on appelle la glande pinéale. Et une exposition donc à de la lumière bleue va activer ces cellules non visuelles, les cellules à mélanopsine, et donc avoir un impact sur le cadencement de la sécrétion de mélatonine. Par conséquent, si vous vous exposez en soirée à de la lumière bleue en provenance de votre écran de téléphone, voire même de l'ampoule de votre lampe de chevet, eh bien, vous allez bloquer ou retarder la sécrétion de mélatonine et perturber donc votre horloge biologique. Alors, mais dans quelle proportion? Parce que là aussi, on se demande la question de la dose et de l'influence, de l'impact que cela peut avoir véritablement sur d'éventuels troubles du sommeil. Sébastien Point. Alors, oui. Très tôt en termes d'éclairement, c'est-à-dire que de très faibles niveaux d'éclairement, par exemple la lumière qui filtre la lumière artificielle de l'éclairage public qui filtre à travers vos persiennes, peuvent déjà perturber votre sécrétion de mélatonine et le cadencement de votre horloge biologique. Maintenant, les cas, disons, sanitaires se posent plus pour les gens qui sont exposés de manière professionnelle. Par exemple, un certain nombre d'études montrent que les gens qui sont exposés dans le cadre de leur profession à de la lumière pendant une grande partie de la nuit, non seulement ont une perturbation de l'horloge biologique, mais cette perturbation de l'horloge biologique va pouvoir être à l'origine d'autres pathologies. On parle notamment de diabète, de troubles psychologiques. Mais là, c'est quand tout le rythme circadien est bouleversé, donc cas très très extrêmes pour ne pas inquiéter les auditeurs. Cette exposition à la lumière bleue, alors il faut pas tout mélanger, c'est-à-dire il faut pas confondre le fait de maintenir le cerveau en activité, c'est-à-dire de regarder des programmes qui vont nous maintenir en éveil parce que ça va solliciter notre attention, et l'effet de la stricto sensu de la lumière bleue sur la mélatonine et sur l'endormissement. S'il est sûr que quand on regarde 4 heures de télé avec des films d'action avant d'aller se coucher, on va se coucher, on dort mal parce qu'on est saturé d'images. Et donc, il faut peut-être faire un peu le distinguo entre ce que l'on peut savoir médicalement, physiologiquement, de l'effet de la lumière bleue et plus généralement de la perturbation cognitive qui est celle de regarder un programme ou de jouer à des jeux vidéo ou d'être sur son téléphone, Serge Picot. Alors, ces fameuses cellules qui sont sensibles à cette lumière un peu bleu-turquoise, et qui vont activer les rythmes circadiens, elles ont quand même un seuil de sensibilité qui est quand même assez élevé. C'est pour ça qu'il faut quand même que lorsque les enfants jouent sur leur écran, c'est quand même que souvent, ils ne baissent pas le niveau d'intensité de l'écran. Et en fait, s'ils le ramenaient au minimum, ça devrait diminuer quand même l'activation de ce rythme circadien, de ce cycle veille-sommeil, et du coup décaler leur endormissement. Donc on dit, par exemple, lorsque vous partez à l'étranger et que vous voulez remettre votre horloge interne, donc activer ces fameux, ce fameux cycle circadien, de se mettre à midi au soleil pour pouvoir justement, mais il faut quand même être dans des conditions de luminance assez fortes, parce que par exemple, moi je sais, je vais par exemple à l'étranger dans des conférences, et si je reste dans une réunion où en fait il y a finalement assez peu de lumière, eh bien j'ai du mal justement à remettre mon horloge interne au bon niveau. Ce que vous dites, c'est que les seuils, là aussi, alors pour justement que ça perturbe vraiment cette horloge circadienne et la production de mélatonine, il faut que les seuils de lumière turquoise, on parle bien de lumière turquoise, bleu turquoise, pas tout à fait la même lumière bleue qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, de haute énergie, c'est pas tout à fait la même. Voilà, c'est pas la lumière bleue toxique, qui est plutôt, moi je l'appelle un peu bleu-violet, Sébastien l'appelle bleu profond, mais l'idée est un peu la même, elle est décalée par rapport à ce qu'on appelle la lumière bleue plutôt turquoise. Qui est celle du ciel bleu qu'on peut constater en ce moment. Oui, quand vous regardez l'arc-en-ciel, vous voyez un bleu vert un peu, qui est turquoise. Et ce bleu-là va être responsable de l'activation des rythmes circadiens. Et là, il faut un niveau de luminance quand même un petit peu plus élevé que celui qu'on trouve normalement dans un intérieur peu éclairé. Le CHER, qui est le Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risk, qui est le comité scientifique sur la santé, les risques émergents et environnementaux, qui est une agence indépendante qui dépend de la Commission européenne, précise quant à l'influence de cette lumière bleue turquoise et notamment de l'influence des écrans sur la production de mélatonine et sur les rythmes circadiens. Le CHER précise donc que la quantité d'études est très faible et que ces études sont pour la plupart réalisées en laboratoire, donc pas ou peu significatives. Sébastien Point, là aussi, on en a fait un peu trop autour de l'impact de nos écrans sur notre sommeil. Et on parle bien que de la lumière bleue et pas du contenu des écrans. Une fois de plus, je tiens bien à faire le distinguo parce que l'un peut évidemment avoir des problèmes sur le niveau de veille, comme je l'évoquais à l'instant. Oui, effectivement. Donc le CHER a effectivement dans son rapport traité du problème des rythmes circadiens et de l'influence des LED à partir des études qui sont disponibles et qui sont effectivement essentiellement des études de laboratoire. Il est difficile de faire de l'épidémiologie aujourd'hui avec les LED. Et en réalité, disons que la lumière, effectivement, même à faible niveau, elle va être capable de décaler plus ou moins votre sécrétion de mélatonine. Est-ce que ça a des effets sanitaires importants? Non, comme le dit Serge Picot, tant que on n'est pas sur des valeurs élevées ou des expositions longues qui vont complètement perturber votre horloge biologique. Donc, on peut prendre des précautions dans le sens où effectivement une bonne pratique consisterait à baisser un peu la luminance de son écran en soirée, ne pas s'y exposer au-delà de minuit ou une heure du matin si on veut avoir une chance de passer quelques heures de sommeil. Maintenant, est-ce que ça représente un problème sanitaire? Aujourd'hui, peu d'études le montrent pour la vie réelle. Serge Picot. Oui, je voulais juste rebondir sur l'idée d'intensité lumineuse. Il faut savoir que cette fameuse lumière qui active les rythmes circadiens, elle est aussi responsable quand elle est absente de la dépression automnale, par exemple. Or, ces personnes sont quand même exposées à la lumière quotidienne, mais par contre, ils vont peut-être pas s'exposer suffisamment à une lumière suffisamment élevée et sortir, par exemple, à midi pour être sous une lumière un peu plus intense que dans un intérieur où finalement, une fois que la lumière du jour pénètre, elle arrive très amoindrie. Par ailleurs, on peut aussi préciser que sur la plupart des équipements et des terminaux moderne, relativement récent. Il y a moyen de baisser effectivement la luminosité. Il y a même parfois certains équipements, des tablettes ou des téléphones qui proposent des filtres jaunes pour la fin de journée. Mais tout ça, il y a même finalement certaines personnes qui commercialisent des lunettes, des filtres. Tout ça, c'est un peu excessif par rapport à ce que serait réellement l'influence de ces lumières turquoises sur notre rythme circadien. Les seuils sont très bas, vous l'avez dit, Serge Picot, non ? Après, c'est mieux de se protéger, principe de précaution. Les filtres, l'essentiel des filtres qui sont proposés, c'est plutôt pour protéger de la lumière toxique et en particulier certaines personnes à risque, comme les patients avec des dégénérescences maculaires liées à l'âge, où là, on peut leur proposer effectivement ces filtres pour se protéger de la lumière toxique et non pas de la lumière bleu turquoise qui va réguler les rythmes circadiens. Après, c'est vrai que c'est aussi une hygiène de vie pour les personnes qui veulent dormir, de faire attention le soir, de bien baisser quand même la luminosité de leur écran pour pouvoir après avoir une chance de s'endormir et de penser à ce facteur qui peut les embêter s'ils ont des problèmes. Et d'attendre une demi-heure, une heure, de couper les écrans une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher. Ce qu'on dit là, bien pour conclure, Sébastien Point, c'est que, évidemment, les écrans ne sont pas une panacée, loin s'en faut, mais que toute la responsabilité qui a été mise sur la lumière bleue a été un peu de façon excessive. Oui, elle a été de façon excessive. Et puis, comme vous l'avez dit, elle est accompagnée, cette inquiétude autour de la lumière bleue, par un marché, notamment celui des lunettes anti-lumière bleue, qui pose question d'ailleurs, parce que aujourd'hui, si vous mesurez la transmission ou la baisse de transmission de ce type de lunettes dans le bleu, elle est très faible finalement. Elle est finalement sans intérêt, sauf à vous perturber dans la perception des couleurs. Donc effectivement, c'est une problématique qui est sans doute exagérée et puis qui donne naissance à des gadgets dont on pourrait se passer et qui, eux, peuvent pour le coup causer des désagréments. Ouais, pas besoin de vous acheter, comme on vient de vous le poster sur le fil Twitter, de spray à selfie, ça ne sert pas à grand chose. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Giulia Spampinato pour être venu nous présenter vos travaux. Merci Serge Picot, merci également Sébastien Point. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lampes toxiques, des croyances à la réalité scientifique, c'est chez Bookie Book. Et bien merci également à nos camarades de France Bleu Pays d'Auvergne pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Ville France, Céline Lausanne, Tom Imdenstock, Mathieu Le François, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, demain on reviendra sur l'enseignement des sciences à l'école. Au moment où les programmes sont repensés, ne faut-il pas faire table rase des anciennes méthodes pour repenser de fond en comble l'approche des sciences par les élèves. Et puis vendredi, notez-le une fois de plus dans votre petite tablette dont vous aurez réduit la luminosité auparavant. C'est la 500e de la méthode scientifique. On vous prépare une émission assez particulière, assez spéciale avec tous vos chroniqueurs et tous les invités récurrent de la méthode scientifique. Ce sera comme tous les jours à 16h jusqu'à preuve du contraire.